bonheur, royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, où dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Dans cette heure jamais plus de tristesse.